L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Les MJC font leur rentrée à Nancy. Coup de projecteur sur la MJC Bazin en compagnie de Rémi Grosset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la MJC Bazin, oui. Voilà, qui se trouve rue Henri Bazin à Nancy. Oui. À quel numéro ? 47. Pour cette MJC qui fait partie des 7 MJC de Nancy, pour la présenter en quelques mots, qu'est-ce qui la caractérise par rapport aux autres MJC ? On a tous une base un peu similaire, hein, une structure de proximité pour le plus grand public. Hein. On est, comme beaucoup d'MJC à Nancy, un accueil de loisirs qui, lui, n'a pas arrêté de fonctionner, qui a fonctionné tout l'été, pour les 3-12 ans. Après, des activités hebdomadaires qui redémarrent la semaine prochaine, seulement en semaine découverte, à partir du 12 septembre. Vous pouvez venir aux horaires des créneaux d'activité et discuter avec les intervenants toute la semaine, et la semaine d'après, ça démarre. Après, on a une salle de spectacle, l'Inexplosible, qui est plutôt orientée vers le théâtre. Cette semaine, on a une compagnie qui vient répéter une création, et Chef Oui Chef, la compagnie Les Bonasses, qui sera en spectacle le 10 septembre, et il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres, beaucoup de compagnies d'impro qui viennent aussi faire des représentations. Après, autre spécificité, c'est qu'on a une salle d'exposition, la Galerie Z, et avec Emmanuel Henry qui ouvre la saison le 23 septembre. C'est elle qui a fait le visuel aussi de la plaquette de rentrée. Et son exposition, l'art de rien, le vernissage, c'est le 23 septembre. Donc déjà, des rendez-vous à noter. Le plus proche de nous, alors c'est cette représentation le 10 septembre, mais c'est aussi la semaine découverte. C'est la semaine découverte du 12 au 18. Ça va vraiment être l'occasion de voir tout le panel de ce qui est proposé. Vous accueillez de nombreuses associations aussi au sein de la MJC. On accueille, effectivement, comme toute la MJC, on a un lieu de vie associatif. Hein, donc on a, qu'ont leur siège social, une quinzaine d'associations ont leur siège social. Après, il y a plein d'associations qui viennent utiliser les locaux pour faire des réunions, pour faire des spectacles, pour faire monter des projets, se réunir, voilà, évidemment. La MJC Henri Bazin, ce qui l'a caractérisé aussi particulièrement, c'est cette année, ça va être ses 50 ans, je crois. Tout à fait, c'est notre jubilé, mais en 2023. Hein, donc on va préparer ça. Et jubilé, c'est aussi jubilé, prendre du plaisir, donc on espère bien préparer quelques festivités pour 2023. Quand on est directeur d'une MJC, cette rentrée, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une reprise d'activité, bien sûr, on espère qu'il y a plein de monde qui va arriver, s'inscrire. C'est un moment fort, évidemment, de la saison, parce que c'est une cinquantaine d'activités, plus de 100 créneaux sur la semaine. C'est retrouver la maison avec beaucoup de monde dedans au quotidien, hein. C'est du matin jusqu'au soir, du lundi au samedi. C'est un moment effectivement fort, important, parce que ça fait partie du modèle économique de l'association. Et puis ces dernières années, on a eu des pertes d'adhésion. Hein. Quelle quantité la perte ? En 32-33%. D'accord. Et là, vous espérez qu'avec cette rentrée, maintenant le Covid, on peut dire qu'il est commencé derrière nous. Derrière nous, j'espère. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Je pense qu'on va plutôt vivre avec. Ce qu'on a fait aussi pendant toute la période là. Moi, je ne suis pas particulièrement inquiet à l'heure actuelle, hein. Et à noter que la ville de Nancy nous a bien accompagnés pendant toute cette période, nous a bien soutenus, comme tous les autres dispositifs d'État. On a de quoi encaisser la situation pour le moment. Si les adhérents reviennent, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Donc une cinquantaine d'activités proposées. Pour faire un petit exemple d'activité, il y a du théâtre, il y a du spectacle d'impro, il y a de la danse, il y a de la musique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant ? On fait pas d'activité musicale. Non. On est une des rares MJC à ne pas en proposer. On n'a pas un secteur développé comme d'autres collègues ont. Effectivement, on est plus orienté théâtre et danse. Les arts plastiques, beaucoup aussi. Après, là, ce qu'il y a à noter, c'est le gymnase a été refait. Donc, on va pouvoir reproposer du skate en initiation, découverte, tout ce qui est sécurité, se déplacer. Skate et roller. Également, deux activités aussi qui sont un peu indispensables de plus en plus aujourd'hui pour se déplacer en ville d'une manière un peu plus douce que la voiture. Ça redémarre avec beaucoup plus de créneaux que ce qu'on pouvait faire avant. Le skate, ça va reprendre là, et puis en initiation pour les plus jeunes, pour pouvoir aller sur le skatepark en toute sécurité. Si je peux donner un autre coup de projecteur, on avait lancé, et puis il faudrait que ça avait mis du temps, ça commençait à prendre, et puis il y a eu la pandémie, c'est le yoga accessible. C'est le lundi après-midi, on s'est renseigné à la MJC, c'est pour personnes à mobilité réduite. Notre intervenante, elle a suivi des formations pour pouvoir proposer un yoga accessible. Donc ça peut être pour des gens en fauteuil ou des gens avec des difficultés de déplacement, avec des pathologies. On ne fait pas du soin, mais on permet d'acquérir des techniques de yoga. Ce serait une bonne chose que ce cours décolle. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine découverte. Comment on fait pour y participer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'il faut venir simplement ? Non, il faut simplement venir aux horaires des cours. Bon, ouais. Regardez sur le site internet de l'MJ ou si vous avez la plaquette en main. La plaquette est téléchargeable sur le site également. Vous regardez l'horaire qui vous intéresse, vous venez à cet horaire-là, le prof, l'intervenant est là, l'horaire. Comme pour une porte ouverte, vous venez lui poser des questions, voir si ça vous intéresse. Vous pouvez retirer un bon d'essai, vous avez le droit d'essayer une activité. Gratuitement. Gratuitement, oui. Et la semaine d'après, les activités démarrent, vous venez essayer. Alors pour parler des événements à venir, il y a bien sûr cette semaine découverte. Il y a l'exposition à partir du 23 septembre. L'art de rien, oui. Et les autres temps forts à venir? Il y a toujours des spectacles en permanence. Après, il y a décembre, Sous le Sapin, un festival plutôt orienté vers du spectacle pour enfants. C'est dans le cadre de la Saint-Nicolas avec la ville. Là, il y a sur deux week-ends une programmation assez intense de spectacles gratuit, enfin on est libre de donner, on a le droit de mettre au chapeau pour contribuer au coût. Et puis à ce moment-là, on est aussi avec les autres MJC de Nancy, on participe au défilé de la Saint-Nicolas des enfants. Ça va commencer en septembre-octobre, la préparation de ce défilé-là, pour défiler dans le cortège. Et ce point d'orgue, ce sera les 50 ans l'année prochaine, on aura peut-être l'occasion de vous recevoir pour en reparler. Oui, bien sûr, plaisir. Merci beaucoup Rémi Grosset. Ben, merci à Fadjet, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.